Qui a fait s'écrouler le système communiste en Europe? Certains prétendent que c'est Ronald Reagan en imposant aux soviétiques une coûteuse et inutile course aux armements. D'autres en tiennent pour Jean-Paul II, premier pape venu de l'Est. Enfin, les troisièmes affirment que c'est Gorbatchev lui-même en incitant la glasnost et la perestroïka qui est à l'origine de la chute de l'Empire. Mais M. X, lui, va encore plus loin. Il soutient que le vrai tombeur de l'URSS n'est autre que Khrouchtchev. Nikita Khrouchtchev, qui en dénonçant les crimes de Staline en 1956, et donc en amorçant le dégel, a miné les fondements même du système soviétique. Dès lors, c'est toujours la thèse de M. X, le régime était condamné à terme. Pourtant, il ne faut pas l'oublier, après Khrouchtchev, il y aura encore une longue période de glaciation avec l'arrivée au pouvoir de Léonid Brejnev. Toutefois, si mon interlocuteur a proposé de me parler de ce sujet, c'est qu'il existe encore beaucoup de points obscurs sur la manière d'agir du dirigeant soviétique. Il faut en effet se souvenir que c'est au 20e congrès du Parti communiste de l'URSS que Khrouchtchev a lu à huis clos un rapport secret sur les crimes de Staline. Un rapport secret, j'insiste, mais qui ne le restera pas longtemps. À l'Ouest, on le publiera quelques mois seulement après la tenue de ce congrès historique. Comment ? Ce rapport a-t-il été divulgué? Quel rôle ont joué les services de renseignement occidentaux? Et qui avait intérêt à ce que ce rapport soit rendu public? Ce sont quelques-unes des questions qu'elle, M. X, se propose de répondre. 1956, 3 ans seulement après la mort de Staline. On a du mal à imaginer aujourd'hui le choc produit par la dénonciation des crimes de cette idole communiste. C'était soudain un mythe qui s'écroulait. Et pas seulement en URSS. Pour les communistes du monde entier, ça a été une douloureuse révélation. Et disons-le tout de suite, beaucoup de militants n'ont pas voulu y croire tellement c'était monstrueux. Et puis, il y aura ensuite, enfin, la même année 56, hein, l'autre choc, celui de Budapest. Oui, mais les deux événements sont liés. Hein. Sans le rapport Khrouchtchev, les Hongrois n'auraient sans doute pas osé se révolter. Mmh. Et c'est pourtant Khrouchtchev qui ordonnera la répression. C'est exact, oui, nous en avons parlé il y a peu. Alors, si vous voulez bien, voyons ça d'un peu plus près. La déstalinisation commence presque immédiatement après la mort du dictateur. Un vent nouveau souffle sur l'URSS et par exemple des prisonniers du Goulag seront libérés. Khrouchtchev, qui s'est imposé à la tête du parti, va même inventer un type de relation différent avec l'Ouest. Oui, nouveau, la coexistence pacifique. C'est ça, hein. Et ça sera avec la fin du culte de la personnalité, l'un des thèmes principaux du 20e congrès du parti qui se tient à Moscou en février 1956. Ces congrès sont d'habitude sans surprise. Ce sont des grands messes où l'on se contente d'approuver des textes élaborés par la bureaucratie communiste et d'élire des dirigeants désignés d'avance. Pourtant, cette année-là, c'est différent. Les délégués, et parmi eux, il y a des représentants de tous les partis étrangers, sentent que l'atmosphère est différente. Oui, il va se passer quelque chose. Oui, même si on ne sait pas quoi. Toutefois, dès l'ouverture, on note quand même plusieurs avancées importantes qui rompent avec le discours stalinien classique. Enfin, je vous passe les détails. Au dernier soir, vers minuit, on prononce la clôture officielle du congrès. Et c'est la surprise. Contrairement aux usages, le secrétaire général Nikita Khrouchtchev retient les délégués, à l'exception des étrangers et des journalistes qui sont fermement invités à quitter la salle. Et Khrouchtchev ne veut parler qu'aux soviétiques. C'est ça. On va laver son linge sale en famille. Et le dirigeant soviétique sort de sa serviette un épais document qu'il lira 4 heures durant. Et malgré l'heure tardive, je vous assure qu'aucun délégué n'a envie de dormir, car ce qu'ils entendent cette nuit-là est proprement ahurissant. Staline, l'homme qui a construit l'URSS, le héros de la Grande Guerre patriotique, comme on disait là-bas, est accusé des pires crimes. Ouais, les purges. Entre autres, oui. Les grands procès de Moscou. Khrouchtchev affirme qu'il a ordonné de véritables massacres dans les rangs même du Parti communiste. Il est aussi responsable des déportations des peuples caucasiens pendant la Seconde Guerre mondiale. Une guerre qu'il a d'ailleurs conduite avec une grande incompétence. Seront dénoncés également les faux complots montés de toutes pièces ou encore la désastreuse situation économique dans laquelle il a laissé le pays. Bref, la statue est déboulonnée. Hein. Pas totalement. Khrouchtchev ne remet pas en cause les premières années du règne de Staline. Et par exemple, il ne dit mot de la grande famine du début des années 30 ou encore de la persécution des Goulags. Oui, les propriétaires terriens. Qui ont été systématiquement exterminés à la fin des années 20. Oui. Alors, ça veut dire que cette dénonciation des crimes de Staline est assez sélective. incontestablement. Et surtout si la pratique politique personnelle du dictateur est gravement mise en cause, à aucun moment Khrouchtchev ne s'attaque aux responsabilités du parti. Et ça s'explique facilement. Ah oui, parce qu'il est le chef de ce parti. Et parce qu'il a été lui-même partie prenante de cette politique. Ouais, hein, ouais. Ce serait donc reconnaître sa propre responsabilité. Oui, ouais. Ouais. Donc c'est un point très important. La déstalinisation, et ce rapport en est la démonstration la plus éclatante, est effectuée par des staliniens. Khrouchtchev a exercé de très hautes fonctions sous Staline. Oui, il ne pouvait pas ignorer la réalité du régime. C'est certain. Ouais. Il a lui-même participé à ces exactions. En Ukraine, par exemple, dont il était originaire et sur laquelle il a régné d'une main de fer. Oh, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui lui a pris? Bon, n'allons pas trop vite, car c'est l'une des clés de ce dossier. Revenons d'abord sur les circonstances qui ont amené Khrouchtchev à lire ce rapport secret. Certains ont prétendu que le dirigeant soviétique a pris sa décision au dernier moment. Je n'en crois rien. L'affaire, selon moi, a été minutieusement préparée. Aucune improvisation. Non. Le bureau politique du parti avait commandé ce rapport secret à un certain Pospelov, un homme qui avait été un proche collaborateur de Staline. C'était amusant, mais après tout, il était bien placé pour connaître l'équipe de Staline. Hein. Certainement. Donc, Khrouchtchev disposait déjà depuis un certain temps de ce document accablant. Il a choisi son moment pour en faire la lecture à ses camarades. J'ajoute, et ça vous mettra sans doute la puce à l'oreille, qu'en optant pour cette procédure exceptionnelle. Bah, la prolongation du congrès, là, après la clôture. Oui, ça, ouais. Il savait que ça attirait forcément la curiosité. Ah oui, alors il voulait donc qu'on sache. J'en suis persuadé. Enfin, ça, on en reparlera. Le secret, ensuite. Khrouchtchev recommande aux délégués du 20e congrès d'observer le plus grand secret. Rien ne doit transpirer à l'extérieur. Attendez, ils étaient combien, ces délégués-là? Plus d'un millier et demi. Alors comment penser que pas un de ces délégués ne va parler, enfin, ça, ne serait-ce qu'à sa compagne ou à son meilleur ami, car ils sont maintenant détenteurs d'informations explosives. Hein. Ouais, je suis d'accord avec vous, mais Khrouchtchev fait appel à leur patriotisme de parti, un argument qui porte encore à l'époque. Peut-être, mais enfin, pourquoi dénoncer les crimes de Staline et n'en faire qu'un usage interne, si je puis dire? C'est vrai qu'il y a là une contradiction. Mais j'y reviendrai, je vous le promets. En tout cas, vous avez raison de parler d'usage interne, car les délégués du 20e congrès ne vont pas être les seuls à être informés. Qui d'autre? Bah, d'abord la fille de Staline, Svetlana. Puis le maréchal Tito, avec lequel les soviétiques se sont réconciliés après la mort du dictateur. Ensuite, des exemplaires du rapport secret sont envoyés au secrétaire du parti dans les républiques. Ils doivent signer une décharge en accusant réception du document et ne sont autorisés à le lire que dans les locaux du parti. Eh ben, en tout cas, ça élargit encore le champ des personnes qui prennent connaissance du rapport prétendument secret. Hein. Ouais, je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas fini, car ces apparatchiks reçoivent la permission de lire le rapport aux militants de base. Mais en aucune façon, ils ne peuvent faire de copie du texte. Ouais, la transmission est donc uniquement orale. Hein. Oui, c'est excessivement important, car il ne doit pas rester de trace écrite de ce document. Les exemplaires distribués au secrétaire du parti seront aussitôt récupérés après lecture. Et pour quelle raison, alors? C'est très simple. Ce rapport secret n'est pas censé exister. Ah bon? Enfin, il y a maintenant des centaines de milliers de citoyens soviétiques, des millions peut-être, qui connaissent les crimes de Staline dénoncés par le rapport secret. Mais c'est le but recherché. Mais le Kremlin peut en même temps affirmer en toute sérénité que le rapport secret est une invention. Pardonnez-moi, c'est un peu tordu, non? Sans doute. Toutefois, c'est comme ça que ça se passe. Mais enfin, allons plus loin. Je vous l'ai dit, les communistes étrangers ont été invités à quitter la salle du congrès avant la lecture du rapport de Khrouchtchev. Mais les plus éminents d'entre eux vont être informés. En pleine nuit, alors que Khrouchtchev parle encore, des émissaires du comité central vont leur porter une cassette fermée à clé contenant le texte. Ils peuvent le lire, mais doivent le restituer aussitôt après. Ouais, comme pour les secrétaires locaux du parti de l'URSS. Hein, c'est ça, ouais. Oui, c'est exactement le même cérémonial. Et il leur est interdit, ces délégués étrangers, de faire des copies. Bien sûr. Ouais. Ça montre en tout cas, comme vous le disiez précédemment, que l'affaire avait été bien préparée. C'est évident. Autre question, le texte est en russe ou bien traduit dans chacune des langues de ces délégués étrangers? Le texte est en russe, mais beaucoup de ces dirigeants communistes ont passé la guerre en URSS et ont donc des connaissances du russe. Toutefois, vous avez raison de poser la question, car certains de ces délégués ont pu demander à leur interprète ou à un membre de leur parti pratiquant le russe de leur faire une traduction écrite. Oh, ils avaient quand même peu de temps pour le faire. Hein. Sans doute, puisque les rapports ont été récupérés au petit matin, mais c'était possible quand même. Et puis il y a fort à parier que certains délégués ont quitté Moscou avec dans leur bagage une traduction du rapport secret de Khrouchtchev. Lesquels? Bon, je pense en particulier aux Polonais. Les Polonais qui vont être un peu plus tard au cœur de cette affaire. Dans son rapport secret, Khrouchtchev dénonce les crimes de Staline, certes, mais il prend aussi bien soin de se justifier. En témoigne cet extrait. Protester contre des suspicions et des accusations sans fondement avait pour conséquence de faire tomber l'opposant sous le coup de la répression. C'est ce qui a caractérisé la chute du camarade Postichev. Dans l'un de ses discours, Staline avait exprimé son mécontentement de Postichev et lui avait demandé « Qui êtes-vous vraiment ?» Postichev avait nettement répondu « Je suis bolchevique, camarade Staline, bolchevique. » Cette affirmation fut d'abord considérée comme la preuve d'un manque de respect à l'égard de Staline. Plus tard, elle fut tenue pour un acte préjudiciable, ce qui eut pour conséquence l'exécution de Postichev, qui fut dénoncé, sans aucune raison, comme un ennemi du peuple. Dans la situation qui existait alors, je me suis souvent entretenu avec Nikolaï Alexandrovitch Boulganine. Un jour, que nous étions tous deux en voiture, il dit « Il est quelquefois arrivé que quelqu'un se rende chez Staline, à son invitation, comme ami, et quand il a pris place avec Staline, il ne sait pas où on l'enverra par la suite, chez lui ou en prison. » Il est clair que ces conditions mettaient tous les membres du bureau politique dans une situation très difficile. Et quand on considère également le fait que dans les dernières années, le comité central n'était pas convoqué en session plénière et que le bureau politique ne se réunissait que de temps en temps, on comprendra alors combien il était difficile pour un membre du bureau politique de prendre position contre tel ou tel procédé injuste, contre les erreurs et les lacunes graves dans l'exercice de la direction. Bref, il est clair pour Khrouchtchev qu'à l'exception de Staline, personne n'était coupable. Je vais revenir sur les Polonais. Auparavant, je dois vous dire que les révélations de Khrouchtchev ont provoqué un immense désarroi parmi les dirigeants des partis communistes. Pourtant, ils ne devaient pas ignorer grand-chose des crimes de Staline. C'est vrai pour la plupart. En France, par exemple, Thorez était parfaitement au courant. N'oublions pas qu'il avait longtemps vécu en URSS et qu'il connaissait personnellement les dirigeants soviétiques qui comptaient. Donc il n'a pas été surpris. Hein. Non, mais c'est la dénonciation des crimes staliniens par Khrouchtchev qui l'a épouvanté. Ouais, parce qu'il a pensé que le rapport ne resterait pas longtemps secret. C'est certain. Et pour lui, ça signifiait une véritable remise en cause. Car il avait toujours soutenu et même glorifié Staline. En outre, la dénonciation du culte de la personnalité était aussi une attaque qui le visait. Ouais, une pierre dans son jardin, quoi. Ouais. En France, le Parti communiste était d'abord le parti de Maurice Thorez. Ouais. Par conséquent, le choc a dû être terrible pour lui. Et on a été de même pour nombre de dirigeants. Mais à la différence d'un Togliatti, par exemple, Thorez mettra toujours en doute l'authenticité du rapport secret. Et pendant longtemps, au Parti communiste français, on ne parlera que du rapport attribué au camarade Khrouchtchev. Formule subtile, utilisée pour en nier la réalité. Mmh. Et quand, alors, commence-t-on vraiment à parler à l'extérieur du rapport de Khrouchtchev? Le 20e congrès, je vous le rappelle, s'est tenu en février 56. Dès le mois de mars, on commence à évoquer son existence. C'est normal, car à Moscou, tout le monde s'interroge sur cette longue séance à huis clos qui a terminé les travaux des délégués. Les journalistes, mais aussi les diplomates et les rares agents occidentaux présents à Moscou essaient de percer ce secret. Mmh. Ouais, les services de renseignement doivent être en ébullition. Hein. Oui, il faut essayer de savoir à tout prix. Surtout quand le premier, le correspondant du New York Times, révèle qu'au cours d'un discours prononcé à huis clos, Khrouchtchev aurait attaqué Staline sur son rôle dans les grandes épurations des années 30. Je note qu'il emploie quand même le conditionnel. Évidemment, il fait seulement état de rumeurs. Mais quelques jours plus tard, un journaliste britannique en poste en Allemagne se fait plus précis et révèle les grandes lignes du rapport. Alors, très tôt, il y a des fuites. Et à ce stade, elles ne peuvent venir que des délégués qui ont assisté au congrès. Les délégués soviétiques. Ou étrangers, je ne sais pas. Curieusement, le papier du journaliste britannique est jugé assez peu sérieux. Je me souviens même qu'en France, un grand journal comme Le Monde juge que ces révélations sont pour le moins romanesques. Ah. On n'imagine pas possible que Khrouchtchev ait pris le risque de critiquer Staline seulement 3 ans après sa mort. Et si peu de temps après la victoire de 1945. Parce qu'on sait très bien qu'au sein des instances dirigeantes du parti demeure beaucoup de staliniens. On pense donc que si Khrouchtchev avait osé, il aurait été mis en minorité. En outre, pour la majorité des soviétiques, le petit père des peuples reste le vainqueur de Stalingrad. Toutefois, les choses vont avancer. Comment hein? Le correspondant de l'Humanité à Moscou envoie un article où il explique que dans toute l'URSS, on débat sur les mérites et les erreurs de Staline à la suite d'un rapport de Nikita Khrouchtchev. Et attendez, le journal communiste français publie cet article? Exactement. Après tout, c'est vrai qu'on y parle des erreurs de Staline, mais on souligne aussi ses mérites. On reste donc dans des limites acceptables. Et puis, à Paris, les dirigeants communistes ont sans doute estimé qu'il fallait prendre les devants avant que toute la vérité éclate. Et d'ailleurs, ils vont bientôt recevoir l'onction du grand frère. Car à la fin du mois de mars, c'est la Pravda qui prend le train en marche. Des révélations aussi. Oui, mais enfin très prudentes, excessivement prudentes. L'organe officiel du régime soviétique se contente de faire allusion au culte de la personnalité. Un culte étranger à l'esprit du marxisme-léninisme. C'est tout de même Staline qui est visé. Naturellement. Mais tout cela est très balancé, car dans un article ultérieur, la Pravda revient sur l'affaire et met en garde de façon très sévère tous ceux qui seraient tentés de profiter de cette condamnation du culte de la personnalité pour attaquer l'URSS et le marxisme-léniniste. Conclusion de certains soviétologues, on est allé trop vite en besogne et Khrouchtchev ne s'en est jamais pris à Staline. Comment alors interprétez-vous ces allers-retours là? Ils sont nécessairement calculés. En fait, Khrouchtchev veut appâter, mais pour rester crédible, il ne veut pas en donner trop. Quand vous dites appâter? J'ai pesé mes mots. Bien, bien. J'imagine qu'il est inutile à ce niveau de votre récit de vous demander une explication. Vous me connaissez, vous m'avez parfaitement compris. Ouais. Je m'incline, alors continuez. Le cycle de ces révélations parcellaires va se poursuivre en ce premier semestre de l'année 56. Ouais, comme si on jouait distiller petit à petit. Tout à fait. Ainsi chez nous, en France, fin mai, France Soir publie un scoop. Le journal dirigé alors par Pierre Lazareff donne des détails sur le rapport secret attribué à Khrouchtchev, pour reprendre la terminologie du Parti communiste français. On y lit que Staline était un être grossier qui avait arrêté, déporté, fait tuer des milliers de citoyens soviétiques. Ah, ça c'est déjà plus concret. En effet, mais enfin, la bombe, la vraie bombe, va éclater aux États-Unis. Le New York Times, encore lui, publie début juin le texte du rapport secret. Le vrai texte? Attendez. C'est un point crucial et qui sera plus d'une fois débattu. Mais ce texte apparaît rapidement à tous les spécialistes de l'URSS comme parfaitement crédible. Et une phrase en particulier frappe l'opinion internationale. Je vous la cite de mémoire. « Quiconque s'opposait aux conceptions de Staline était voué à l'élimination physique et morale. Mmh. » Est-ce qu'on a une idée de la façon qui a permis au journal américain de publier ce rapport? Oui, c'est le département d'État américain, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères, qui a fourni le texte au New York Times. Dans un but de propagande. Bien évidemment. Ouais, ouais. Malgré la coexistence pacifique prônée par Khrouchtchev, c'est encore la guerre froide. Et pour la Maison-Blanche, la publication de ce rapport secret, c'est un coup extraordinaire porté contre l'URSS et ses dirigeants. Ouais. Je veux bien croire, mais pardonnez-moi de me répéter, mais qui se trouve derrière? La CIA, j'allais dire presque forcément la CIA. D'accord, mais comment a-t-elle obtenu ce rapport secret? Avant de vous répondre, je voudrais faire une observation. Les Américains, dès qu'ils ont été en possession de ce fabuleux document, ont hésité. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas sûrs de l'authenticité du document? C'est exact. Certains ont eu peur d'être victimes d'une provocation. Les Soviétiques, nous en avons souvent parlé, étaient des maîtres en falsification. D'autre part, en rendant public ce rapport secret, Washington risquait de mettre en difficulté Moscou à un moment où les relations entre l'Ouest et l'Est commençaient à timidement se réchauffer. Mais les gens de la CIA et la Maison Blanche ont finalement jugé que les points positifs l'emportaient et ils ont opté pour la publication. Mmh. Réaction en URSS? Eh ben, contrairement à ce à quoi on pouvait s'attendre, Moscou demeura étrangement serein. Alors que, dans d'autres temps, les Soviétiques se seraient déchaînés contre une telle publication dans la presse bourgeoise. C'est certain. Ouais. Et beaucoup de communistes y virent la preuve, y compris en France, où Le Monde publia à son tour le rapport secret, que le document était authentique. Mais personne ne comprit alors que Khrouchtchev avait tout fait pour que l'opinion occidentale prenne connaissance de son rapport. Monsieur X l'a dit, ce rapport secret a plongé beaucoup de dirigeants communistes dans la stupeur ou l'accablement. En particulier, le secrétaire général du Parti communiste français, Maurice Thorez. Et voici comment l'analyse Philippe Robrieux dans son Histoire intérieure du Parti communiste paru chez Fayard. Accepter le rapport secret, c'était pour lui l'obligation de remettre en cause toute sa vie. Le document évoquait les innocents sur lesquels il s'était lui-même acharné, la médiocrité et la folie sanguinaire d'un Staline qu'il avait vénéré. Des brumes du passé émergeaient les camarades qu'il avait admirés et abandonnés à leur triste sort. Surgissaient aussi les mensonges qu'il avait fait sien, les méthodes douteuses qu'il avait reprises à son compte, les humiliations et les sacrifices qu'il avait consentis. Comment admettre qu'il avait fermé les yeux et qu'il s'était laissé entraîner, qu'il s'était sali et avait sali, traîné dans la boue pour rien? Comment admettre enfin que l'URSS qu'il avait inventé ait été cette terre d'injustice et de massacre si éloignée du socialisme? Comment suivre Khrouchtchev quand il allait jusqu'à insinuer ici ou là que Trotsky, Boukharine, Zinoviev et les autres n'étaient pas coupables des crimes et des complots qu'on leur avait reprochés? Irait-il jusqu'à les réhabiliter? Faudrait-il alors remonter jusqu'aux années de jeunesse et se retourner vers les vieux maîtres, Souvarine, Monat et tous les anciens camarades, calomniés, écrasés et honteusement chassés, pour leur dire « Vous aviez raison ». Les ombres du passé défilaient devant lui comme autant de fantômes obsédants qu'il fallait écarter pour pouvoir continuer à vivre. Je reviens là sur votre dernière allégation. Selon vous, Khrouchtchev voulait donc qu'on connaisse à l'Ouest la vérité sur les crimes de Staline? Oui, sans aucun doute. Alors pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Certaines relèvent de la politique intérieure, d'autres de la politique extérieure. Et même peut-être du ressentiment personnel de Khrouchtchev vis-à-vis de Staline. C'est-à-dire ? Comme d'autres dirigeants soviétiques, Khrouchtchev avait été publiquement humilié par Staline. Certains se souvenaient parfaitement d'une soirée où le dictateur avait obligé Khrouchtchev à danser une danse folklorique ukrainienne devant lui. Mais enfin, passons. Il y avait beaucoup plus sérieux. Le secrétaire général du Parti communiste, en attaquant Staline, voulait d'abord atteindre tous ceux qui l'embarrassaient encore au sein du Politburo. Quoi, les Staliniens ? Oui, c'était eux qui étaient visés par le rapport secret. Et notez-le bien, Khrouchtchev parviendra à les éliminer petit à petit. Seule différence avec les temps passés, ils ne seront pas liquidés physiquement, mais simplement mis à l'écart. Khrouchtchev, grâce à cette opération, renforcera donc sa position à la tête du parti. Oui, il demeurera le numéro un incontesté. Hein, oui, jusqu'en 1964, oui. Le deuxième objectif, c'est l'opinion occidentale. Et c'est assez malin. D'une part, Khrouchtchev veut apparaître comme le véritable artisan de la déstalinisation. En faisant la démonstration que quelque chose a changé en URSS grâce à lui. Oui, ouais, mais en même temps, en choisissant la compétition pacifique entre l'Est et l'Ouest, il fait le pari de l'efficacité. Ah, expliquez ça. Ben, il soutient que la coexistence est plus payante que la lutte bloc contre bloc. Et il pense qu'à la longue, c'est le communisme qui l'emportera sur le capitalisme. Bien sûr, quoi, il s'est lourdement trompé. Bien sûr. Enfin, à l'époque, ce n'est nullement évident. Parce que sous Khrouchtchev, au moins dans un premier temps, l'URSS va profondément évoluer et remporter de nombreux succès. En tout cas, ben, si je comprends bien, hein, la dénonciation du stalinisme et de ses crimes ne répondait à aucun objectif de moralisation politique. Comment on aurait pu l'être autrement ? Khrouchtchev aussi avait été formé à la meilleure école stalinienne. J'ajoute, mais ça ne vous étonnera pas, que Khrouchtchev n'avait guère d'autre choix. S'il voulait rester au pouvoir et triompher des conservateurs staliniens, il devait lâcher cette bombe atomique au cours du 20e congrès, au risque d'ailleurs d'y laisser sa peau. Je sais bien, mais si je vous entends bien. Il fallait aussi que cette bombe atomique, pour reprendre votre expression, hein, éclate également en Occident. Oui, mais Khrouchtchev, qui était décidément très malin, a fait en sorte de ne jamais reconnaître qu'il avait effectivement prononcé ce fameux acte d'accusation contre Staline au soir du 20e congrès. Et officiellement, dans l'histoire de la Russie soviétique, ce rapport n'existe pas. C'est absurde. Et pas du tout. C'est un cas de manipulation absolument prodigieux. Écoutez bien. Premier temps, Khrouchtchev fait son discours en imposant un pseudo-secret. Deuxième temps, il se débrouille pour que le maximum de militants aient connaissance de ses propos. En espérant une fuite ? Bien entendu. Et vient le troisième temps, l'organisation d'une fuite vers l'Occident, naturellement. Et je vous expliquerai comment. Quatrième temps, sans doute le plus subtil, il fait en sorte de pouvoir contester lui-même l'authenticité de son rapport secret. Et comment alors ? En introduisant des différences entre son vrai rapport lu devant le 20e congrès et le texte publié ultérieurement par les Américains. Ainsi a-t-il pu faire croire aux soviétiques tentés de l'accuser que le document publié en Occident n'était qu'un texte falsifié. Mieux, sous la pression des dirigeants communistes français, il acceptera de revenir sur certaines accusations portées contre Staline. Ah bon, parce que les communistes français avaient ce pouvoir. Bon, en tout cas, ils croyaient l'avoir. Mais ce prétendu recul arrangeait Khrouchtchev. L'important pour lui était d'avoir lancé sa bombe et de bénéficier de ses effets positifs. Il faut d'ailleurs souligner qu'à la suite de cette entrevue, il fera semblant de céder aux exigences des amis de Thorez et ordonnera la destruction d'un million d'exemplaires de son rapport destiné à être diffusé dans toute l'URSS. Toujours dans le but de supprimer les preuves écrites, là. Bien sûr. La publication de son rapport dans les plus grands journaux occidentaux lui suffisait. Il avait gagné et imposé cette déstalinisation dont il avait tant besoin pour réduire ses adversaires. Alors, maintenant, voyons, selon vous, comment ce rapport est parvenu à l'Ouest. Volontiers, c'est une histoire très curieuse. Le polonais, m'avez-vous dit. Oui, un exemplaire du rapport, sans doute sa traduction en polonais, était parvenu à Varsovie tout de suite après le 20e congrès. Cette fuite a sans doute été facilitée par la confusion qui alors régnait dans les instances dirigeantes du parti polonais. En effet, son numéro un, un certain Bierut, est mort à Moscou, tout de suite après le congrès. Une mort naturelle? Qu'allez-vous chercher? Enfin, non. Assez étrangement, Khrouchtchev a fait le déplacement de Varsovie afin d'assister à la réunion qui désignerait le nouveau patron du parti. Pour surveiller cette nomination? Évidemment. Et tout le monde a noté alors que Khrouchtchev s'est violemment opposé à la désignation à la tête du parti d'un juif nommé Zambrowski. Et pour ce faire, il n'a pas hésité à faire des allusions ouvertement antisémites. Ce n'était pas gratuit. Khrouchtchev, en s'attirant l'hostilité de ce dirigeant juif, l'a poussé à prendre contact avec un célèbre journaliste qui était un correspondant des services secrets israéliens. Mossad. Oui. C'est ainsi que les services israéliens se sont procurés le rapport secret de Khrouchtchev. Ouais, écoutez, tout ceci me semble quand même très machiavélique et un peu romanesque, comme aurait écrit Le Monde. Eh bien, détrompez-vous. C'est ainsi que ça s'est passé. Ensuite, le Mossad, qui commençait à entretenir de très bonnes relations avec les Américains, a proposé un marché à la CIA. La communication du rapport secret contre un échange de renseignements sur le monde arabe. Mmh. Et selon vous, c'est ainsi que les autorités américaines ont récupéré le rapport de Khrouchtchev? Oui, mais ce qui est étonnant, c'est que les services américains ont présenté ce fait comme un formidable exploit de leurs services de renseignement, alors qu'en fait, ils avaient purement et simplement été manipulés par le numéro 1 soviétique, qui voulait à tout prix que son rapport soit publié à l'Ouest, pour les raisons que je vous ai exposées. Alors même que les Américains pensaient qu'ils déstabiliseraient l'URSS et ses pays satellites en publiant le rapport. Hein. Oui, tout à fait. Et Khrouchtchev, une fois son objectif atteint, ne se livrera qu'à une déstalinisation très timide. Preuve que son coup d'éclat du rapport secret n'était qu'une sorte de leurre, un simple levier. Ah, il y aura quand même des libérations de prisonniers du goulag et quelques réhabilitations. C'est vrai. Mais enfin, ce qui est le plus important, et que Khrouchtchev n'avait sans doute pas prévu, c'est qu'en s'attaquant à Staline et en remettant en cause certains aspects du système soviétique tel qu'il fonctionnait jusqu'alors, il portait un coup très dur au communisme. Et au fond, dans les années 80, Gorbatchev ne fera que terminer le travail commencé par Khrouchtchev. Et l'Empire s'est écroulé sur lui-même. C'est pourquoi je pense que c'est Khrouchtchev qui est au premier chef le responsable de cet effondrement, même s'il n'en avait pas conscience. Le rapport secret de Nikita Khrouchtchev n'a pas fait le point sur tous les crimes de Staline. Voici comment, dans ses mémoires inédits publiés en France et en 1991, il s'en explique lui-même. L'émotion fut grande au sein des délégations des partis communistes français et italiens. Ceux-là étaient à l'évidence plus concernés que d'autres partis frères et c'était tout à fait compréhensible. Il s'agissait, comme aujourd'hui encore, de grands partis de masse. Togliatti et Thorez avaient l'un et l'autre assisté en personne à certains procès. Ils les avaient cautionnés de leur présence et aussi par les rapports qu'ils avaient produits ensuite pour certifier la réalité des crimes commis et le bien fondé des accusations. Et voilà que tout était remis en question. Pour tenir compte de cela, nous nous sentîmes obligés d'exclure de la réhabilitation ceux qui avaient été condamnés dans des procès publics. Il fut déclaré néanmoins qu'ils n'étaient coupables d'aucun crime, qu'ils avaient été condamnés arbitrairement et que les condamnations prononcées à leur encontre n'étaient pas fondées sur les crimes dont ils avaient fait l'aveu au cours de leur procès. En ce qui me concerne, je regrette bien sûr de ne pas avoir été en mesure de pousser plus loin les enquêtes afin d'en finir avec l'ensemble de ces affaires et de purger définitivement ce dossier dont on m'avait dit à quel point il était épais. Mais je n'ai pas pu mener à bien cette entreprise pendant le temps où j'ai exercé le pouvoir. Et alors, ce que je n'ai pas fait, un autre le fera. Et si celui-ci, à son tour, s'arrête en chemin, un troisième reprendra sa tâche pour la terminer. Quand une cause est juste, comme on dit, elle finit toujours par triompher. À samedi prochain, je vous rappelle que sur notre site franceinter.com, vous pouvez réécouter cette émission et obtenir des renseignements discographiques et bibliographiques.